Un message urgent de médecins hongrois. Sauvez les enfants. Le monde semble se diriger de plus en plus vers des mesures extrêmes contre le coronavirus et nous avons déjà atteint le stade où la vaccination des jeunes de 12 à 15 ans est demandée et même que cela a commencé dans le monde entier. L'association hongroise Médecins du dévoilement ainsi que d'autres mouvements de dévoilement du pays a sorti un nouveau film à ce sujet. Parmi leurs porte-parole, il y a des biochimistes et des experts en génie génétique. Ils veulent examiner, selon le principe de ne pas nuire, le pour et le contre de toute chose. Leurs déclarations comprennent par exemple que le prétendu vaccin contre le Covid-19 n'est précisément pas un vaccin, mais un procédé expérimental de thérapie génétique qui ne peut être utilisé qu'en cas d'urgence. Ils montrent que le virus du Covid ne provoque pas de maladies graves chez les enfants, mais en même temps, 86% des enfants âgés de 12 à 15 ans sur lesquels ce vaccin a été testé ont eu des effets secondaires. Le nombre de morts n'est pas révélé. En tout état de cause, les perspectives de la vie des enfants sont bien plus affectées par cette vaccination que celles des personnes âgées de 40 ou même 70 ans. Les Hongrois réveillés posent la question de savoir si on doit encore faire confiance aux décisions des politiciens, de certains médecins réputés et de l'industrie pharmaceutique. Ils montrent de manière exemplaire que nous devons, que nous pouvons faire quelque chose nous-mêmes. Leur avertissement sévère est, je cite, « Des études récentes montrent que la vaccination des enfants présente un risque beaucoup plus élevé que la maladie elle-même. Réfléchissez. Vous pouvez vous faire vacciner à tout moment, mais une fois la vaccination effectuée, les effets sont irréversibles. On ne peut plus les inverser. Il s'agit de la prochaine génération. Prenez une sage décision. » Es geht um die nächste Generation. Treffen Sie eine weise Entscheidung. La TV montre un extrait du film de dévoilement hongrois « Sauver les enfants ». Des médecins, des scientifiques, des soignants et des parents hongrois prennent la parole au sujet de la vaccination des enfants avec le vaccin contre le Covid. Depuis des décennies, je suis médecin généraliste et je suis grand-mère de 3 petits-enfants. Ces derniers temps, lorsqu'il s'agit de vacciner les enfants et les petits-enfants contre le Covid, mes enfants me demandent comment ils peuvent prendre des décisions de façon responsable concernant l'avenir à long terme de leurs enfants. En tant que médecin et grand-mère, je peux comprendre le poids de cette responsabilité. Le principe du médecin est de ne pas faire de mal. Ce principe est très fort et exige qu'on examine les avantages et les inconvénients de toute chose. Comme on le sait, tomber malade du Covid ne touche guère les jeunes enfants. Ils s'en remettent très vite et n'ont pratiquement pas d'effet à long terme. Cependant, les nouvelles technologies telles que le ARNm, vaccin ARN messager, dont nous ne connaissons pas les effets à long terme, soulèvent un certain nombre de questions. Et ce non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants dont l'organisme est encore en développement. Je peux donc très bien comprendre la responsabilité de mes enfants dans la prise de cette décision. Doivent-ils compromettre l'intégrité physique de leurs enfants? Comment peuvent-ils prendre une décision responsable sur la santé à long terme de leurs enfants en se basant sur un vaccin insuffisamment testé, insuffisamment prouvé et avec lequel on n'a aucune expérience? Peuvent-ils mettre l'enfant en danger avec l'apparition possible d'une allergie, d'une maladie génétique ou d'une maladie auto-immune? Je pense que pour prendre une décision responsable, ils ont besoin de connaissances sur le sujet. Donc, en tant que médecin et grand-mère responsable, tout ce que je peux vous dire, c'est d'attendre. Observez très attentivement, recueillez des témoignages à ce sujet, rassemblez du savoir et décidez ensuite du sort à long terme de vos enfants. Je m'appelle Zsuzsa Bardocz. Je suis chimiste et biochimiste, professeur de sciences nutritionnelles à la retraite, docteur de l'Académie hongroise des sciences. J'ai été membre du comité de vérification du génie génétique pendant 8 ans, spécialisé dans les plantes et les microbes OGM. En ce qui concerne le vaccin Covid-19, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un vaccin, mais d'une procédure expérimentale de thérapie génétique utilisée en cas d'urgence. Ce n'est donc pas un vaccin. J'invite tout le monde à ne pas appeler vaccin la thérapie génétique dont j'expliquerai le but dans un instant. Un vaccin contient des microbes affaiblis qui apprennent à notre système immunitaire à se défendre. À l'exception du vaccin chinois Sinopharm, qui est réellement un vaccin, tous les autres traitements appelés vaccins COVID-19 sont des thérapies génétiques qui contiennent l'ARN messager, synthétique nécessaire pour produire la protéine spike du virus COVID-2 du SARS. Les protéines spike sont des pointes de protéines dépassant de l'enveloppe virale. La protéine spike est la partie du virus qui lui permet de se fixer aux cellules. Les symptômes et les maladies sont causés par la protéine spike. C'est une leptine. Une leptine étant une hormone qui forme un pont permettant au matériel génétique du virus de pénétrer dans les cellules. Les récepteurs viraux sont des lieux de fixation des virus à la paroi cellulaire qui se trouvent dans le cerveau, les poumons, les intestins, le foie, les reins, le cœur, les vaisseaux sanguins, le sperme, le placenta. On nous rassure par le fait que l'ARN messager se décomposerait très rapidement, ce qui justifierait que les effets du vaccin disparaissent en quelques jours. Mais dans l'injection se trouve la protéine spike synthétique non dégradable du coronavirus OGM, fabriquée en laboratoire, comme une arme biologique qui n'est pas reconnue par le système de défense immunitaire de nos cellules. Des nanoparticules lipidiques entourent le matériel ARN afin qu'il puisse pénétrer dans chacune de nos cellules et les transformer en usines d'armes biologiques. Personne ne peut répondre à la question de savoir combien de temps l'ARN messager fonctionne dans notre corps. Il a été prouvé que le matériel génétique de la protéine spike peut encore être détecté sur l'endroit de l'inoculation après 6 mois. Il n'existe aucune donnée sur les effets à long terme de ces protéines sur notre santé. Après tout, il s'agit officiellement de la plus grande expérience humaine mondiale de thérapie génétique qui ne se terminera pas avant fin 2022. J'invite tout le monde à ne pas appeler cette procédure de thérapie génétique une vaccination, car son objectif est le contrôle de la population et la destruction de nous, les humains. Les effets à court terme se font déjà sentir. Les effets à long terme ne peuvent être que devinés. Un large éventail de maladies apparaîtra, comme on peut déjà le constater sur les pages de notification des effets indésirables aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il s'agit notamment des maladies du système nerveux, des accidents vasculaires cérébraux, de l'encéphalite spongiforme ou de la maladie de la vache folle, des crises cardiaques, des hémorragies, de la stérilité masculine et féminine, des problèmes rénaux et hépatiques. Que Dieu nous garde afin que cette guerre contre l'humanité ne soit pas gagnée par Satan, mais nous aussi nous devons faire quelque chose. Ne marchons pas aveuglément, comme du bétail, vers l'abattoir. Le monde semble s'enfoncer de plus en plus dans cette hystérie du coronavirus. Et nous avons déjà atteint le stade où la vaccination est demandée pour les enfants de 12 à 15 ans et elle a commencé dans le monde entier. Quel est le problème de la vaccination des enfants? C'est que leurs perspectives d'avenir sont les plus affectées par cette vaccination. Donc, comme nous ne pouvons pas leur dire ni leur garantir qu'ils n'auront pas de problème dans 5, 10, 15, 20 ans, l'introduction de la vaccination est une énorme erreur. Et tous ceux qui y participent en sont conscients. Nous savons donc que la vaccination d'une personne de 70, 75, 80 ans comporte beaucoup moins de risques que celle d'une personne de 12, 15 ans ou de 18 ans, en raison de l'espérance de vie. Nous ne savons pas quel est l'impact de la vaccination sur les perspectives d'avenir, et pourtant elle est massivement imposée. En ce moment, nous protestons et nous devons le faire. Jusqu'à ce que des résultats à long terme soient disponibles et que la sécurité soit prouvée, il faut à tout prix éviter de vacciner les enfants. Rendre cette vaccination obligatoire, c'est dépasser toutes les limites. Bonjour, je suis Joseph Tamasi, spécialiste des maladies internes, spécialiste de santé publique et expert en remèdes naturels. En tant que spécialiste de santé publique, je suis en mesure d'évaluer, par exemple, la situation actuelle avec suffisamment de compétences. Et j'ai été formé en médecine interne, afin que toutes les personnes concernées puissent personnellement compter sur mes compétences et mes connaissances. J'ai appris à juger quand il faut prescrire des médicaments et quand il faut choisir une méthode naturelle pour combattre une maladie. Je constate que les craintes du public ont été suscitées délibérément et de manière coordonnée par la coercition et la propagande, afin que la vaccination puisse être administrée avec une substance expérimentale. il n'existe aucune preuve que la vaccination protège réellement les personnes vaccinées contre le Covid. Des déclarations telles que « nous ne sommes pas en sécurité parce qu'il y a 3 millions de personnes non vaccinées » ou « la maladie va rattraper tous les non vaccinés » et autres déclarations de ce genre sont de la pure désinformation. C'est du business. Leur objectif est que ce médicament expérimental puisse également être vendu aux 3 millions de personnes qui n'ont pas encore été vaccinées. Les enfants sont moins exposés au risque de COVID-19 que les adultes. Selon les statistiques américaines, seuls 2,5% des enfants infectés par le Covid ont dû être hospitalisés entre mars et décembre de l'année dernière. Ceux contraints par le COVID-19 à être admis en unité de soins intensifs, 0,8% et 0,1% seraient morts. Si on compare ce chiffre avec celui des adultes de plus de 25 ans, on obtient des taux 8, 10, 16 fois plus élevés pour les rubriques correspondantes. Dans le même temps, cependant, l'expérience du vaccin chez les enfants de 12 à 15 ans montre que 86% des enfants ont des effets secondaires. Le nombre de décès n'est pas dévoilé. En tout cas, sur les 1300 participants, près d'une centaine au moins avaient reçu la deuxième vaccination. Compte tenu de toutes mes potentialités et de mon expertise, je pense qu'il n'y a actuellement aucune raison de paniquer, aucune raison de vacciner en masse avec un médicament expérimental, surtout aucune raison de vacciner les enfants et de les obliger à porter des masques, aucune raison d'attiser les peurs. Les enfants ne sont pas infectés, ils ne propagent pas la maladie, ils ne sont pas dangereux et ils ne sont pas en danger. De plus, rien ne prouve qu'ils se porteraient mieux avec un médicament expérimental. Dans le même temps, on ne sait pas non plus combien d'entre eux tombent malades à cause du vaccin, ni combien en meurent. La vaccination des enfants repose sur une propagande immorale qui considère les enfants comme des cobayes de laboratoire. Je dis, ne touchez pas aux enfants. Chers amis, pour être en bonne santé sur cette terre, le Créateur nous a donné deux choses, le système immunitaire et la foi. Maintenant que la vaccination des enfants se fait à grande échelle, je préviens tous ceux qui veulent vacciner qu'ils sont susceptibles de rendre des comptes non seulement selon le code de Nuremberg, mais aussi devant Dieu. Je mentionne ici un scientifique américain, Patrick Whelan, qui avait déjà indiqué le 11 février dernier qu'il fallait prendre en compte les deux côtés de la médaille. Non seulement le fait qu'on tombe moins malade avec le vaccin, mais aussi ses autres effets. Et maintenant, on en est arrivé au point où, lors de la dissection des différents tissus, on n'a trouvé aucun effet direct des virus. Mais on a constaté que la protéine Spike était la cause de ces effets. Des expériences sur des animaux ont pu le prouver. Des souris ont reçu la protéine Spike, et leur cœur, leurs poumons, leur foie, d'autres tissus, les organes génitaux et le cerveau ont été examinés. Par exemple, il a été reconnu qu'une encéphalite peut entraîner des difficultés respiratoires, même sans lésions pulmonaires. Dans la pathologie du SARS-CoV-2, les principaux dommages se produisent au niveau des récepteurs ACE2, et c'est un dommage endothélial. 13 autres patients ont été autopsiés, et des pseudovirus, des protéines spike et membranaires, ont été trouvés dans leurs tissus cérébraux, sans ARN viral. Il ne s'agit donc pas de véritables virus. Cela reflète le fait que des symptômes multiples peuvent être causés par la protéine spike plutôt que par le génome viral. Ainsi, la protéine spike elle-même, par exemple dans les infections COVID-19, est une cause majeure de complications et de décès. Seule la protéine Spike est capable de provoquer les mêmes symptômes lors d'une vaccination que lors d'une infection virale. Je citerai également Byron Bridell, un virologue, immunologue et conférencier canadien de l'Université de l'Ontario, qui a reconnu à la radio que la protéine Spike, ou une partie de celle-ci, avait été jusqu'alors considérée comme l'antigène cible pour accéder à la guérison. Mais ils ont dû reconnaître que la protéine Spike elle-même était en fait une toxine, un poison, un agent pathogène, une protéine pathogène. Ainsi, par la vaccination, nous introduisons involontairement des toxines dans l'organisme. Cela dit, je m'associe également à l'initiative du groupe Children's Health Defense de Robert F. Kennedy en Amérique, qui est favorable à l'arrêt de toutes les vaccinations. Je m'appelle Anike Noel Sotmari, mère, enseignante et formatrice en développement personnel. Je ne fais pas vacciner mes enfants avec les vaccins Covid. En effet, ces vaccins sont non seulement inutiles, mais aussi dangereux. Le virus du Covid ne cause pas de maladies graves chez les enfants. Le vaccin contre le Covid n'est rien d'autre qu'une thérapie génique expérimentale. Des essais de phase 3 sont actuellement en cours dans le monde entier. Les fabricants n'assument aucune responsabilité pour leur vaccin. Si on examine les statistiques américaines, dans le recueil des données américaines pour les dommages causés par la vaccination, on trouve des milliers de victimes de la vaccination. Les enfants aussi font partie des victimes. À ce jour, 24 nourrissons sont morts dans cette expérience de vaccination Covid. Ce qui se passe aujourd'hui n'est rien d'autre que le passage à l'âge adulte de l'humanité. En ce sens que nous devons assumer la responsabilité de notre propre vie, de notre propre santé. Nous ne pouvons pas nous fier aux décisions prises par les politiciens, les grands médecins et l'industrie pharmaceutique. Ils veulent seulement faire du profit. Chers parents et enfants, la responsabilité de la vaccination obligatoire incombe à l'État. Au cours des 10 dernières années, l'association Neban Chvirag a pris conscience d'un certain nombre d'effets secondaires bien documentés de la vaccination. Ceux-ci n'ont pas été reconnus par l'État. Aujourd'hui, l'État vous encourage à accepter un vaccin pour lequel il n'assume aucune responsabilité parce qu'il s'agit d'un vaccin de thérapie génétique au stade expérimental. J'aimerais également souligner que depuis un an et demi, nous entendons dire que cette maladie ne représente aucun danger pour les enfants. Cependant, des études récentes suggèrent que le vaccin présente des risques bien plus importants pour les enfants que la maladie elle-même. Rappelez-vous que vous pouvez vous faire vacciner à tout moment, mais une fois la vaccination effectuée, ses effets sont irréversibles. Il s'agit là de la prochaine génération. Prenez donc une sage décision. Bonjour, nous sommes le 2 juin 2021 et aujourd'hui même, l'équipe de football allemande a annoncé qu'elle ne se ferait pas vacciner car le médecin de l'équipe pense que c'est trop risqué. Les effets secondaires peuvent être trop importants. Se pourrait-il qu'ils sachent quelque chose de plus? Et pendant ce temps, nous allons vacciner nos enfants? Les vaccins Covid n'ont jamais été testés sur des humains ni sur des animaux. Un vaccin contre une maladie dont le risque d'en mourir est d'un enfant sur 3,5 millions. Un enfant sur 3,5 millions. La probabilité qu'un enfant meure d'un coup de foudre est de 1 sur 180 000, soit plus de 20 fois supérieur à ce que l'enfant meurt du Covid. Où est la proportionnalité? Quel est le raisonnement? Il est maintenant inutile de parler de proportionnalité. Alors, avant d'amener votre enfant se faire vacciner, dites-lui ce qu'on vient de dire. Et regardez ce qu'il y a dans les vaccins Covid. Demandez aux gens. Et ils vous diront honnêtement qu'ils ne savent pas vraiment non plus. Lors du développement du vaccin, le virus n'existait pas. Alors le vaccin a été créé artificiellement sur la base d'une séquence numérique. C'est ce qu'a dit l'un des développeurs du vaccin lui-même. Saviez-vous par exemple qu'il y a une bonne dizaine d'années, des millions de personnes ont été vaccinées en Suède en raison d'une épidémie H1N1? Dont de nombreux enfants, parmi lesquels plusieurs milliers ont ensuite contracté une narcolepsie. Ils ne peuvent plus mener une vie normale. Et il s'agissait de vaccins dont on supposait que le mécanisme d'action était connu. Ce n'est pas le cas avec celui-ci. Ne jouez pas avec la santé de votre enfant. Achetez-lui plutôt un billet de loterie et débarrassons-nous du vaccin Covid.